Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Ton moment préféré de la semaine? Mon moment préféré de la semaine? Mettons, là, fait semblant. Gatineau, avec de l'important. Non! Mais là! Ton moment préféré, c'est ton instant classique. Si je te dis que c'est ton instant classique, c'est qu'il bosse ici, c'est moi. OK. Moi, je pensais qu'on allait écouter Gatineau. Non. T'aurais aimé ça, hein? Bon, ben là, je te force à l'écouter tout de suite. Voici un instant classique. D'accord. Que tu le veuilles ou pas, voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du quoi, cette semaine? 3 octobre 2011. Assemblage requis, ça commence tout de suite. On retourne dans la musique. Oui. T'avais quelque chose d'autre à dire, j'imagine, toi? Non. T'avais l'air à ça, en tout cas. Non. T'avais l'air à ça. T'avais l'air de voir quoi? Non. Ben, Mathieu, voyons. Oh, ouais, laisse faire. Arrête. On va entendre. Lâche-moi le nez. Le nez? J'ai pas le bras si long que ça non plus. Xavier, oui, qui nous parle de thé. Oui, de cuisine. Il y a un petit dessert là qui a l'air tellement délicieux que j'ai hâte de goûter. Son pot a l'air dur à ouvrir aussi. Ah, ouais. Vas-y, on parle avec lui. Ah, ouais. Farce. Yeah! Bonjour et bienvenue à cette 300e émission d'Assemblage requis. Cressel, pas de budget. Fausse Cressel. T'as dû downloader un son de Cressel. Ah, j'aurais pu, tu vois. Il y a une différence entre, tu sais, quelqu'un qui a une maison, un enfant, une petite famille, deux voitures, etc. Nanana. Là, je parle de n'importe qui en général, tu sais, mettons. Ou une Tempo. Ou une Tempo, mettons, de 1982. Là, 8, excuse-moi. On va faire attention. François, on accueille ton, ta bonne amie, en fait, celle que t'aimes insulter. Wow. Mais ceux, les gens qui spinent comme ça, l'un et l'autre, il y a quelque chose en arrière de ça. Mais ce que j'aime de la recevoir par téléphone, c'est qu'à un moment donné, là, tu vois qu'il y a des raps, tu baisses le son puis tu passes à autre chose. Ah. C'est aussi simple comme ça. OK. Je prends les notes, tu me feras signe. Je passe le ramasse-poussière sur mes vêtements. C'est super. François me dit qu'on peut baisser ton micro maintenant. Fait que, genre, comme ils disent à Radio-Canada, on perd le lien satellite en ce moment, donc on doit vous laisser aller. Salut, Stan! Bye! À la semaine prochaine, Stéphanie! Ouais. Roche, papier, ciseaux. OK, attends un peu. Roche, papier, ciseaux. Si super gagne. Ordinateur. Hein? Super ordinateur? Ouais, moi, c'est super ordinateur. Puis ça bat tout. Ah, OK, fait que je suis sur le verbe. C'est ça. OK. On construit votre journée à partir de matériaux de qualité. De qualité. De qualité. Mais là, on a une poutre ce matin qui on balotte un peu, hein. Il ouais, faudrait quelques zones campus en dessous de la patte là, pour égaliser les pattes. Exactement, car Myriam est absente. Oui. Elle a un gros rhume. D'où la musique funèbre en arrière. C'est triste, hein? Oui, c'est triste. Plein de contenu! Oui! Oui! C'est quoi, un cheval, ça? Oui! Oui! C'est toujours à l'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Et en voici un! Matériaux de qualité. Est-ce que t'as envie de traiter de planches de bois ou de 4x4, 2x4? Ou de plantes? Oh! Ah, il fait un jeu de moi avec mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est Plante. Il dit planche. C'est pas drôle, je trouve. Non, franchement, Olivier, c'est un manque de respect flagrant envers l'animateur d'émission. Mais bon, c'est un assemblage requis. Ça commence tantôt. Simon Fitzbé est de retour de son rhume, comme tout le monde, hein? Je pense qu'il me l'a donné. Oui? Ouais, je pense qu'il me l'a donné. Hier, je l'ai frenché, j'aurais peut-être pas dû. OK, ben, ça t'apprendra. Hein? Ah. Et on accueille Simon Fitzbé qui est dans le studio avec nous. Bonjour, messieurs, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, bonjour. Tu m'avais averti hein, de pas t'embrasser parce que t'avais la grippe, mais j'ai pas pu résister. T'as pas pu résister. Et voici ce matin, je suis grippé. Ah, c'est pas le fun. Hein. Mais c'était quand même plaisant. Est-ce que vous voulez que je vous laisse tout seul ou... Non. Restez sur nos ondes, on se retrouve lundi matin à 7h. Non, lundi, on n'est pas là. C'est vrai, on n'a pas d'émission lundi. Tu savais que j'allais dire ça. Hein? Oui. Parce que c'est mon... super document, Word, texte. Non, je ne sais pas de texte. Donc, mardi à 7h. Oui, on se revoit mardi. C'est ça. Mardi. C'est plate, hein? Oui. C'est dommage, hein? Oui. On va passer, ouais, remets-toi-en, Simon, voyons. Je suis vraiment sous le choc. Voilà, c'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 3 octobre. octobre. Non? 3 octobre. 3 Rocktober. Ça, ouais. C'était 9. C'était quoi? 9 octobre. 9 octobre. Fucktober. C'est ça, le Fucktober. Bref, assemblage requis lundi au jeudi, sauf la semaine prochaine, vous l'avez compris, mardi au jeudi, entre 7h et 9h. Par contre, lundi, on va être là quand même. Il va y avoir quelque chose en ongles. Ça va être nous autres, sûrement en train de dire des niaiseries de la semaine passée. Mais c'est pas grave, ça. C'est le fun. Donc, soyez-y. Avec François-Olivier Marchand et moi-même, Mathieu Plante, et allez télécharger les balados diffusion et voir les notes de l'émission sur assemblagerequis.com. Hey, c'est Crazy Matt en direct de l'entrepôt de C'est fou. Hey, on a-tu de la musique dans le backstore, en arrière, en avant, partout? Faut qu'on fasse le ménage là-dedans. Fait qu'à chaque semaine, je vous en donne 20 en français, 20 en anglais. Puis gratis, ben, je vous donne des nouvelles artistiques puis les meilleurs moments d'assemblage requis. Est-ce c'est pas un deal, ça? Les palmarès, c'est fou. Les jeudis à 14h. En rappel, les vendredis à 17h. Je suis crazy, crazy, crazy!